Il y a des morceaux de soleil dans mon lait ce matin. C'est peut-être dimanche ou ton sourire ou bien l'été qui vient nous réchauffer. Cassé dans ta voix, le temps l'a éraillé, le temps a tout fait pour nous séparer, mais on a tenu bon. Il y a des bouts d'amour qui s'éteignent sur tes lèvres. On descend l'escalier, on descend, on descend. On descend en enfer. Il y a une révolte qui s'étiole et qui meurt à mesure qu'on s'approche de l'ardent brasier, à mesure qu'on brûle. Il y a des morceaux de soleil ce matin dans mon lait, c'est peut-être dimanche.